Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement dans l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Voilà exactement ce qui s'est passé cette semaine. Alors, la question qui nous brûle tous les lèvres est « Pourquoi ?» Eh bien, il faut dire que Manuel Valls n'avait pas d'autre choix car, en effet, la pagaille régnait au sein de l'hémicycle. Alors qu'Emmanuel Macron essayait de s'extirper d'une mêlée menée par Benoît Hamon et Aurélie Filippetti, le groupe communiste en tenait à plein poumon le chant des partisans, sous les yeux ébahis d'une Marion Maréchal Le Pen venant de perdre sa dernière vie à Candy Crush et prenant son petit filou de l'après-midi. C'est à ce moment que Claude Bartolone tapa vigoureusement avec son maillet, tellement de vigueur que le marteau dérapa et atterrit droit dans la figure de Valérie Rousseau-Debord. Patrick Balkany courut à son secours et trébucha à son tour, dégringolant les escaliers pendant que des liasses de billets tombaient de ses poches. Au milieu du brouhaha que déclencha cette chute, on put entendre très distinctement son conseiller dire « Pas aujourd'hui, pas maintenant, non Patrick, quel gâchis !» Dans ces circonstances, il est évident que les députés élus par le peuple ne peuvent pas prendre eux-mêmes une décision et que c'est à notre cher ministre de faire preuve d'autorité et d'imposer le 49-3 pour pouvoir faire passer sa loi.